The Unbeatables. Suis-je déjà condamné ou encore condamnable? Ça fait déjà bon d'années que j'incarne le rôle du con d'arabe. Ici on aime le bon charas, coupé à la bête de zeb. Fais pas le mec qui a des couilles, tout ce que t'as c'est une tête de zeb. Mon rap, c'est de la torture pour un sadomasochiste. Du poison dans le verre, on s'intoxique au gaz nocif. Discret dans mes dièses, appelle-moi 31. On est de la mauvaise herbe qui pousse sur un grand terrain. Collal pour s'arroser, je crois bien qu'on se plante. Mais je vois la vie en rosée, quand mes cafards chantent. Faut que tu bouges la tête, moi ça me suffira. Mec comme des petits rats, en zone tard le soir. Là j'ai texte efficace, à mon crew j'dédicace les rimes, mon flow et toutes les pancartes m'ont pas empêché de partir en couille. Des nuits à cause j'étais dans le doute, ce que je suis pas, au fond je m'en fous, j'garde le smile, fais couler l'arme en syllabes. Tu sais que le but c'est pas de finir chez seul. En balance tu peux rassenser, parfumer au sun. Entouré de pute, le parcours est couvert d'épines. De l'encre dans mon sang, mon esprit noir pour remplir des pages. Tu sais que le but c'est pas de finir chez seul. En balance tu peux rassenser, parfumer au sun. Entouré de pute, le parcours est couvert d'épines. De l'encre dans mon sang, mon esprit noir pour remplir des pages. Vie d'une cure d'air pur et pas d'une vulgaire pute. En quête d'un but injuste, d'un futur superflu. Fiston tout est fictif, whisky, spliff et jean, fils. Je vois que des bitches en vitrine, pas la peine d'en dire plus. Flip au bec, j'ai pas l'avenir qu'on rêve, mais un train de vie correct. Poète maudit comme Baudelaire, t'as fait sans fiche de paye. Vie de rêve ou vie d'alloca, villa sur la côte ou les allocations familiales. C'est pas la question, cousin. Le ton s'écoule d'un coup sec et les blessures se recousent. Non, tout est question de pourcent, de pourcent. Une course sans fin, des tourments sans détour, ensemble, seul, tous enfermés, tour le seum. La rage dans le vide, sous la semelle ou dans le jean. Un parcours en dents de scie toute la semaine. On transpire en silence ou sans pif dans le divan. En temps de crise, on pisse dans le violon ou l'ampli. Complice d'une rage authentique, otage du temps comme tant d'autres. Entre bien et mal sans grandir. Tu sais que le but c'est pas de finir chez seul. En balance, tu peux rassenser, parfumer au seum. Entouré de pute, le parcours est couvert d'épines. De l'encre dans mon sang, mon esprit noir pour remplir des pages. Tu sais que le but c'est pas de finir chez seul. En balance, tu peux rassenser, parfumer au seum. Entouré de pute, le parcours est couvert d'épines. De l'encre dans mon sang, mon esprit noir pour remplir des pages. De bon matin, la haine m'attaque. Envoie ma feuille et mon pilon, je reste tactique. Comme ça, Jiggy en fond de 4. Pour mes sauces fonce car qu'on flingue leur vie. Tu sais qu'on fonce car le temps c'est du zéyo, des gofards et encli. Faut fonder un empire et seuls mes gars savent. Tarsa, pas de suceur de boule dans le stade, j'augmente les stats. Toujours debout malgré les troncs d'arbres dans les boîtes. Si tu parles mal, on choque. Au pire, on te laisse faire dévorer par un pute. T'es pas des miens si tu renseignes la team à Fantomas. Le même pilon qui transite des gens qui en zupent du chum au masque. J'avoue, c'est chemin max. Tu pointes l'œil, l'état nous guette. J'ai des potos partis, pas fauché par la mort, mais par les dettes. Les petits, c'est des pilotes précoces, ils rodent en 600 bandits. Quand les cons des rappliques, j'vois que des cowboys et des brolis de brandis. Rarement absent à l'appel, j'suis excité devant du cash. Comme si j'allais fourrer Julia Chanel. Mes sauces éclatent tes panels, donc forcément gros, ça baisse l'affaire aux 30 fois 1000. C'est 2-3 coups d'avance pour pas manger du ferme, frérot. Yeah. Pour pas manger du ferme, frérot. Ferme. Tu sais que le but c'est pas de finir chez seul. En balance tu peux rassenser, parfumer au seum. Entouré de pute, le parcours est couvert d'épines. De l'encre dans mon sang, mon esprit noir pour remplir des pages. Tu sais que le but c'est pas de finir riche et seul. En balance tu peux rassenser, parfumer au seum. Entouré de pute, le parcours est couvert d'épines. De l'encre dans mon sang, mon esprit noir pour remplir des pages.